Bonjour. Comme on peut voir là, il y a une opération par rapport aux Américains, mais je veux dire, elle n'a jamais arrêté. Ça s'arrête jamais, ça s'arrêtera jamais. Ça s'arrêtera jamais de nous détourner vers des voies de garage, vers des fausses dissidences qui se font appeler de la résistance. Moi, c'est dès que j'entends ce mot-là, faut vraiment pas connaître le sens du mot. Vraiment, là, quand on voit des niaiseries se faire dire, on est de la résistance. On défait le peuple. Nous, le peuple. Quoi? De quoi tu parles? T'es pas la majorité du peuple. Tu parles au nom du peuple. Vous vous appropriez le peuple, là. Comme dans le temps que ils ont inventé le peuple. Avant, on se battait pour Dieu, on se battait pour le roi, on se battait pour toutes sortes d'affaires. Puis tout d'un coup, à partir de la fin du 18e siècle, il y a eu l'invention du peuple. On se battait pour le peuple. Comme si se battre pour la vérité, la justice passée, non. Ça prend une entité informe, là, qui est le peuple, qui est la masse, dans le fond, les masses. Mais l'affaire, c'est encore détourner la masse, c'est encore détourner l'énergie de la masse pour s'en servir. Je veux dire, il y a moyen de pas utiliser ces sémantiques-là. Quand je vois Stéphane Blais, et là, il nous parle des États-Unis, ils ont envoyé quelqu'un à mort à Lago, puis qu'est-ce que tu fais là? C'est ça la priorité. C'est ici ou là-bas, là, t'as le peuple. Ah, c'est Trump qui va venir. Non, Trump, là, c'est une fabrication, c'est l'évidence même. OK? Je veux dire, voyons donc, toute la politique américaine est liée à un agenda au niveau de leur politique internationale par rapport à des intérêts. C'est une mafia, les États-Unis. La CIA, c'est de fomenter la guerre partout dans le monde, puis après ça, de vendre des armes. C'est le but, c'est de vendre des armes, c'est tout. Puis de vendre des médicaments aussi. C'est pas, je veux dire, c'est pas juste. D'habitude, le gars qui vend des armes, il vend tout de la drogue. Puis des rackets de protection. L'OTAN, c'est pas un racket de protection, ça. Les États-Unis, c'est pas. Non, Trump, là, à mes yeux, c'est une merde intégrale. Puis le monde, là, qui essaye de nous vendre ce gars-là, à mes yeux, je les soupçonne immédiatement d'être des agents. Liés à des affaires comme des agentures américaines que je n'aimerais pas. Que je n'aimerais pas. Mais moi, ça m'écœure. Je deviens tellement en colère quand je vois ça. Toi, tu défends le peuple. C'est ça, là. C'est ça qui va défendre le peuple. D'envoyer du monde à Mar-a-Lago, c'est à ça qui sert l'argent. Des dons. Hein? Aller se promener aux États-Unis. J'ai vu tellement de lanceurs d'alerte ramasser des dons dans les dernières années pour aller en vacances aux États-Unis que j'en ai envie. Bon, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Moi, ça me fait tout le temps rire. Puis en plus, toute la résistance, je veux dire, il n'y a personne dans des groupuscules de résistance que je peux pas associer à des sectes quelconques. Puis ça, c'est pareil pour des politiques, les politiciens, ou même des politiciens à la retraite. Hein? Ben oui, puis même ça peut être, si on peut dire, par alliance, puis par. Mais ça n'est jamais parlé parce que ça pourrait être mal vu. Ça, c'est pour grenouiller par en dessous, ces affaires-là. Hein? C'est ça? Je veux dire, Jean-François Lisée, par exemple, il n'y a pas de lien avec le supramental, il n'y en a pas. Ah non, hein, ça pourrait faire faire encore plus la baboune à Michel Courchesne. Moi, du monde qui ont en arrière d'eux autres des modèles comme Martin Luther King, une des pires marionnettes idiot utile qu'il y a eu à mes yeux, d'une certaine façon. Je veux dire, il a servi d'idiot utile, lui, au FBI, ben. Hein? Monsieur le pasteur qui fouettait des putains, qui avait des rapports tarifés avec des putains. Prenez Trump, qui s'est payé une putain à 70 ans, je veux pas. Quelqu'un de 70 ans qui se paye des putains, il est ben pas un pied chez nous. J'en veux encore moins comme président, qu'est-ce que t'en penses? C'est méprisable. Hein? On me traite de méprisant. Ben oui, mais c'est méprisable, vous êtes méprisable, tout ça c'est méprisable. Hein? C'est toujours ben pas parce que je suis un mégalomane. C'est, je veux dire, je peux pas croire que je suis tout seul qui s'en rend compte. Voyons, là. C'est quoi toute cette manipulation-là encore? Moi, si j'entre en résistance, ça va être contre vous autres, entre autres. Contre vous autres, parce que Christ, ça n'a pas de bon sens mentir au monde de même, puis rire du monde de même. Ça n'a pas de bon sens. Puis, tôt ou tard, tout finit par se savoir. Hein? Ben oui. Je veux dire, l'air du temps, à un moment donné, on tombe à un autre temps. On va être à un autre temps, à un moment donné. Puis tout ça, ben, on va se rendre compte à quel point on a fait rire de nous autres encore. Puis ça aidera pas l'estime de soi collective. Hein? On a été conditionnés, les Canadiens français, à nous considérer comme de la chenoute, puis à nous considérer qu'on est tata. Mais c'est certain que, moi, entre autres, quand je regarde ça, heureusement que j'ai une individualité forte, puis que je m'identifie pas trop, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un peuple de tata qu'on a. J'ai honte quand je vois ça. C'est pour ça que je m'identifie pas, sinon je vais virer fou. Il n'est pas question que je m'identifie, je vais virer fou, m'a monté direct à Montréal. M'a me garrocher direct là-bas. Hein? Ben oui, ça a passé proche. Ça a passé proche, il n'y a pas longtemps, je faisais un petit voyage. Tellement je viens en colère. Mais l'affaire, moi, c'est je veux savoir pour vrai. C'est quoi le but, là? C'est quoi vous voulez? Je veux dire, c'est prévisible certaines choses que ça marche pas. Fait que là, je me demande, c'est quoi le but? C'est quoi? C'est de l'extorsion. Je veux dire, c'est de l'arnaque. C'est juste ça. C'est de la fraude. C'est ça le but. Est-ce que c'est ça? C'est une question que je pose. C'est pas une accusation, mais je me. Quand on veut quelque chose, on cherche une cohérence. Moi, je cherche de la cohérence. Puis, votre narratif à vous autres est incohérent. Je trouve ça incohérent. Voyons donc. Ah, Trump va nous aider. Trump, il travaille pas pour nos intérêts à nous autres. C'est l'évidence même. Prenez le Musk, là, tout le monde tripe sur Musk. Dan Pilon a matin, la baguette magique de Musk. Quand une corporation, un chef de corporation est proche à ce point-là du pouvoir, ça s'appelle du fascisme. Genre un peu comme Mussolini. La forme la plus simple, dans le fond. Quelqu'un qui est à la tête d'une corporation aussi puissante et pas supposé être aussi proche du pouvoir, c'est une fabrication. C'est une fabrication. Starlink, là, c'est l'armée américaine puis le Pentagone qui est en arrière de ça. Puis Elon Trump, c'est comme Mr. Peanut. C'est une mascotte. Je veux dire, c'est un. Ben, c'est ça. Je veux dire, c'est tout du show. On est en train de se faire avoir ben raide. Ben, je veux dire, ça fait longtemps que ça dure. Ça a tout le temps été de même. Moi, c'est de voir la répétition qui me choque. Puis surtout, ça prend des nouvelles formes selon l'heure du temps. Hein? Mais ce qui me choque, c'est les agents là, qui répandent ça. Est-ce que c'est qu'on s'entend ou vous êtes vraiment des idiots? Moi, c'est ça que je me demande. Peut-être vous êtes manipulés. Je ne le sais pas. Bon, on va arrêter. Bonne journée.